Jérémie n'a jamais prononcé le nom de Moïse. Jérémie n'a jamais prononcé le nom de Moïse. Jérémie n'a jamais prononcé le nom de Moïse. Jérémie n'a jamais prononcé le nom de Moïse. Pourtant, c'est Moïse qui a fait sortir Israël de l'Égypte. En fait, vous avez dit que c'est uniquement aux Juifs que les apôtres ont prêché dans les nations. Est-ce que vous pouvez prouver cela par la Bible? Aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Vous voyez? Verset 1. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux de la dispersion du pont, de la Galatie, de la Cappadoce, de l'Asie, de la Bithynie, qui séjournent parmi les nations.